c'est plus comme avant. C'est plus comme avant, protège le tien. Ce que tu as, quel coup, c'est ça ou rien. C'est plus comme avant, personne ne t'aime. Y'a plus de règles, plus de lois, plus rien ne va. C'est plus comme avant, tout le monde veut un flingue. Pour frimer, se défendre, faire comme les autres. C'est plus comme avant, c'est plus comme avant. Et non, c'est plus comme avant, la compassion finit. Entre temps, entre mœurs, tu crèves ou tu fais de l'argent. On fout en l'air nos talents, devient nos propres ennemis. On perd foi, chemin proche, mais Inch'Allah qu'on avance. Et non, c'est plus comme avant. Comment définir, y'a trop de drogue et d'armes dans les mains de vos enfants. Les enjeux sont différents, alors on se fait chier à réfléchir. Et nos quartiers deviennent de vrais bombes par retardement. Et non, c'est plus comme avant. Trop bon et victime et l'amour fuit. Alors mes sœurs se contentent d'amant. Ici on souffre en aimant, notre mal augmente. Mais on garde le feeling, et quand on veut la joie, c'est à l'ivresse qu'on la demande. On finira tous les pieds devant, car nos jours sont comptés d'avance. Donc pourquoi continuer à se mutiler bêtement. Dans la rue, le terrain d'entraînement, les cœurs s'endurcissent. C'est plus comme avant, c'est même dangereux de vivre honnêtement. Depuis que la violence a tout anéanti, nos rues sont devenues de vrais stands de tir. Y'a trop de choses bizarres dans les mains des petits. Ouvre les yeux sur les dommages, ça peut être hostile. Depuis que la violence a tout anéanti, nos rues sont devenues de vrais stands de tir. Y'a trop de choses bizarres dans les mains des petits. Ouvre les yeux sur les dommages. Certaines choses changent, d'autres pas. Une vie arrive, une autre part. Certains agissent, d'autres parlent. De nous voler notre part. Certains speed, d'autres tardent. T'es dans Babylon Park. Qu'est-ce t'attends de cette époque barge qui nous tatoue des codes barres. Sortons du guet-apens que nous tend le système de Satan. En s'auto-détruisant, on suit ses plans, on fait juste ce qu'il attend. C'est plus comme avant, mais le moment de voir plus loin. Cet horizon en forme de fond, de bouteille ou de cul de joint. C'est vite fait d'atteindre le point de non-retour. Et ça sert à rien de se plaindre ou de crier au secours. En brouille, ça sort les lames et les armes automatiques. Le monde part en couille, c'est pas qu'un truc climatique. Le temps passe, mais les lois n'entendent pas la misère qui gueule. Seulement ceux qui tentent de frayer un passage au désert qui gueule. On n'a jamais dit qu'on était des gangsters. 97, on a dit le reste. Non, c'est plus pareil. Depuis que la violence a tout anéanti, nos rues sont devenues de vrais stands de tir. Y'a trop de choses bizarres dans les mains des petits. Ouvre les yeux sur les dommages, ça peut être hostile. Depuis que la violence a tout anéanti, nos rues sont devenues de vrais stands de tir. Y'a trop de choses bizarres dans les mains des petits. Ouvre les yeux sur les dommages. Enlève la merde que t'as devant les yeux. Les gens ne s'entraident plus, ils s'entretuent comme dans la cité de Dieu. L'époque veut qu'on ait des armes à nos domiciles. Y'a plus une semaine à Marseille sans un homicide. Les temps, la rue, le rap, la ville, la vie. Tout a changé, j'ai conscience des dangers. J'en ai trop vu, trop entendu, j'en sais trop. Faut que je fume pour être détendu, pour espérer trouver le repos. C'est pire qu'avant, t'as plus de chance d'y laisser ta peau. En voulant sauver ton bolide allemand. C'est plus des flics qu'il faut, mais des casques bleus. Et si tu peux morfler pour un rien ou ta carte bleue. Au milieu de tout ça, j'avoue, je suis paumé. Je conçois pas mon avenir derrière un 38 chromé. J'ai tiré un trait sur la vie d'Alain. Je préfère donner mon blé à ma mère qu'à un avocat. Non, c'est plus pareil. Depuis que la violence a tout anéanti, nos rues sont devenues de vrais stands de tir. Y'a trop de choses bizarres dans les mains des petits. Ouvre les yeux sur les dommages, ça peut être hostile. Depuis que la violence a tout anéanti, nos rues sont devenues de vrais stands de tir. Y'a trop de choses bizarres dans les mains des petits. Ouvre les yeux sur les dommages, non, c'est plus pareil.